Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons traiter du thème de la gourmandise. Ce thème fait un peu sourire. Et je vous avoue qu'il n'a pas manqué de me faire sourire, car je me sens peu crédible sur le sujet et en même temps, en fait, très concerné par ce sujet. Donc je rends grâce au Seigneur d'avoir fait travailler ce thème. Soyons clairs, il y a trois regards sur la gourmandise. Il y a d'abord le regard de l'Église qui, invariablement, voit dans la gourmandise un péché capital et qui a l'audace de tenir aujourd'hui encore cette position. Il y a ensuite un autre regard, plus récent, mais probablement celui du plus grand nombre, qui fait de la gourmandise quelque chose d'unanimement pratiqué et de socialement accepté. C'est au plus un péché mignon, mais habituellement, ce n'est plus un péché du tout. Selon ce regard, seule la gloutonnerie et la goinfrerie sont des péchés. Il y a enfin un troisième regard, plus récent encore, qui pointe la gourmandise, non pas dans sa connotation morale, mais dans les effets qu'elle peut produire sur la santé de l'homme, sur le bien-être de son corps. Et ce regard peut même être élargi à des considérations environnementales en lien avec les excès de la consommation, les excès que la gourmandise suscite. Ce troisième regard, d'ailleurs, pourrait, s'il devenait totalement cohérent, rejoindre en fait la position exigeante de l'Église sur la gourmandise. Alors, face à ces trois regards, nous devons nous interroger. Si l'Église maintient que la gourmandise est un péché, et qui plus est un péché capital, soit elle est ringarde et décalée par rapport aux évolutions de la société, car enlisée dans son moralisme suranné, soit elle a, au fond, de bonnes raisons de maintenir sa position. Pour approfondir notre discernement et notre réflexion, je vous propose de répondre aux quatre questions suivantes. Première question, quel regard l'Église porte-t-elle sur la nourriture et sur la gourmandise? Deuxième question, la gourmandise est-elle un péché? Troisième question, pourquoi la gourmandise est-elle un péché capital? Et quatrième question, comment éviter le péché de gourmandise? Alors, première question, quel est le regard que l'Église porte sur la nourriture et sur la gourmandise? Il faut nous interroger d'abord sur ce qu'est la gourmandise. L'Académie française affirme que la gourmandise est le goût excessif pour les plaisirs de la table. Nous pouvons en retirer deux choses évidentes. La gourmandise est liée à la nourriture, principalement. Et deuxième chose, la gourmandise qualifie un goût excessif pour la nourriture, c'est-à-dire un désir désordonné de nourriture. Le dictionnaire de théologie catholique affirme que la gourmandise est la volupté et le plaisir de manger sans avoir besoin de manger. La gourmandise consiste donc à manger sans avoir faim, à rechercher la nourriture pour le plaisir qu'elle procure et non pas pour répondre aux besoins du corps d'être nourri. Et pour l'Église, il y a un lien intrinsèque entre le fait de manger et de répondre aux besoins du corps d'être nourri. Autrement dit, la finalité de l'acte de manger, c'est de nourrir son corps, de lui donner les forces dont il a besoin. La gourmandise vient donc qualifier la rupture qui peut exister entre, d'un côté, l'acte de manger et de l'autre, le fait de nourrir le corps. La gourmandise, c'est le fait de manger pour le plaisir de manger et non pas pour le fait de nourrir son corps. Et c'est dans cette rupture que la gourmandise trouve son origine, que l'acte de manger commence à devenir un péché de gourmandise. Avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter pour bien prendre le temps d'ajuster notre regard sur la nourriture. La nourriture n'est pas quelque chose de banal. Parce qu'elle est vitale pour tout homme et parce qu'elle est en quantité limitée, la nourriture est un bien précieux qu'il ne s'agit ni de gaspiller, ni même de consommer n'importe comment et sans besoin. En effet, manger est une activité vitale, nécessairement récurrente, plusieurs fois par jour, et dont personne, vraiment personne, ne peut se passer. C'est pourquoi la nourriture ne peut pas être consommée dans la légèreté et l'insouciance. Il est très intéressant de constater que la manière de manger est le premier lieu d'éducation donné par des parents à un enfant. Les parents apprennent à leur enfant en premier à manger ni trop, ni trop peu, mais juste ce qu'il faut, et apprendre à manger de tout, et pas seulement ce qui lui plaît, à manger dans le respect des règles de la table, c'est-à-dire manger proprement et dans un certain ordre, on ne commence pas par le dessert, et avec certaines manières, afin de respecter non seulement la nourriture elle-même, mais aussi ceux qui partagent la table. Et on voit bien que dans l'éducation d'un enfant, ça prend du temps d'apprendre à manger, à bien manger. Il faut ajouter à cela que la nourriture est fondamentalement faite pour être partagée. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est limitée en quantité. Alors on n'est pas tellement habitué dans nos pays occidentaux à nous dire qu'elle est limitée en quantité, mais elle est quand même réellement limitée en quantité. Et donc il faut qu'il y en ait pour tous. On se rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'estomacs dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est la première raison qui fait que la nourriture est fondamentalement faite pour être partagée, c'est qu'elle est limitée en quantité et qu'il faut qu'il y en ait pour tous. La deuxième raison, c'est que parce que le partage de la nourriture à la même table est l'expression la plus habituelle et la plus significative de l'amour dans une famille, par exemple, et plus largement avec d'autres, de l'amitié et de la convivialité. Comment célèbre-t-on un événement important? Habituellement, c'est presque incontournable, par un repas festif. Donc le repas pris en commun a une signification très forte. En résumé, la nourriture est un bien précieux qui doit toujours être respecté, qui ne se gaspille jamais et qui est fait pour nourrir le corps, qui se partage le plus possible, qui exprime avec force l'amour et l'amitié. Et d'une certaine manière, c'est à tout cela que la gourmandise porte atteinte. Elle porte atteinte au respect de la nourriture, elle porte atteinte au corps, elle porte atteinte à l'esprit de partage. Mais nous devons aller encore plus loin et regarder le lien qui existe entre Dieu et la nourriture. Et on sait bien, ça commence dès le début de l'histoire du salut, et ça va traverser toute l'histoire du salut. À l'origine, il y a un fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la consommation de ce fruit défendu qui réalise, qui accomplit le péché originel. Et les Juifs ont retenu dans leur tradition que cet arbre est un figuier et qu'Adam et Ève couvriront ensuite leur nudité avec la feuille du figuier. Dans l'iconographie chrétienne, on retient souvent la pomme. Même si elle n'est pas directement dans la Bible, elle est apparue plus tardivement au moment de la traduction latine de la Vulgate. Pourquoi ? Parce que « malus » en latin a un double sens. « Malus » signifie d'abord « le pommier » et « malus » est aussi l'adjectif qui signifie « mauvais ». Le fruit défendu, la pomme, donc le fruit du pommier, le fruit du malus, fait entrer dans le mal, dans ce qui est mauvais, dans le péché. Ce fruit défendu coupe de Dieu et de sa volonté. Ça, c'est à l'origine. Puis un peu plus loin, on aura la manne. La manne, on est dans le désert. C'est cette nourriture inconnue, on ne sait pas ce que c'est, qui vient du ciel et par laquelle Dieu manifeste sa présence auprès de son peuple dans le désert et par laquelle il nourrit concrètement son peuple. Par la manne, Dieu soutient son peuple dans sa traversée du désert. Étonnant qu'on trouve un fruit défendu, qu'on retrouve la manne, et bien sûr, si l'on continue, et surtout pour arriver à l'essentiel, le pain et le vin. Jésus les consacre et en fait le don de son corps et de son sang, la vraie nourriture de l'âme humaine. Cette nourriture qui donne la vie éternelle, qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54. De plus, Jésus institue son Eucharistie au cœur d'un repas, la Sainte Cène, avec ses apôtres. Le repas est un lieu d'intimité, d'amour, de communion. C'est aussi la préfiguration de la communion dans la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes invités ultimement au repas des noces de l'agneau. Et nous le rappelons à chaque messe, ce repas des noces de l'agneau qui exprime la communion des saints dans la vie éternelle. C'est sans compter la prise en compte de la nourriture par Jésus dans sa vie terrestre, la multiplication des pains, les repas de Jésus. Et si on y regarde bien, il y en a de nombreux dans l'Évangile. Le repas chez Lévi, après son appel, qui deviendra Matthieu. Le repas chez Zachée, après la descente de son arbre. Le repas chez Lazare, Marthe et Marie, les amis de Jésus à Béthanie. On se souvient aussi du poisson grillé au bord du lac de Tibériade, après la résurrection. Beaucoup de repas, la nourriture est présente. Jésus mangeait. Si l'Évangile nous dit que Jésus a jeûné durant 40 jours et 40 nuits, c'est qu'habituellement, il mangeait. Mais ça met aussi en valeur le fait que Jésus tient compte de ce rapport avec la nourriture jusqu'à lui-même jeûner. Il y a une importance de la nourriture, la place de la nourriture dans la vie même de Jésus, elle est significative de quelque chose dans la vie donc de tout homme. On comprend mieux, me semble-t-il, pourquoi l'Église attache autant d'importance à la nourriture. On va bénir la nourriture au début du repas pour apprendre à la recevoir comme un don de Dieu. On rend grâce à la fin du repas pour bien se souvenir que tout ce que nous avons mangé est un don de Dieu. Tout repas est un moment béni qui préfigure et prépare au repas des noces de l'agneau, qui fait retentir dans le moment même de la table partagée l'appel à la communion dans la vie éternelle et donc, avant cela, à la solidarité dans le salut. Arrivé là dans notre réflexion, je pense que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas en rester là et qu'il est maintenant nécessaire de nous demander si, oui ou non, la gourmandise, qui est, selon le dictionnaire de théologie catholique, la volupté et le plaisir de manger sans avoir besoin de manger, si la gourmandise, oui ou non, est un péché. Et si oui, en quoi il consiste? C'est notre deuxième question. La gourmandise est-elle un péché? Pour savoir si la gourmandise est un péché, il est bon de se remémorer d'abord, et très brièvement, ce qu'est un péché. Le péché, c'est quoi? C'est une parole, c'est un acte, c'est un désir, c'est une pensée contraire à la loi éternelle. C'est une offense faite à Dieu, une offense qui blesse aussi la nature de l'homme et qui porte atteinte à la solidarité humaine. Le péché est donc une disposition négative prise à l'égard de Dieu et un amour désordonné à l'égard de nous-mêmes. Plus simplement, on peut dire que le péché est un obstacle dans notre rapport à Dieu, dans notre marche vers lui, dans notre rencontre avec lui, dans notre vie avec lui, selon où l'on en est. C'est pourquoi, bien souvent, le terme même de péché n'est bien compris que par ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, ceux qui recherchent Dieu dans leur vie ou qui se préoccupent de vivre avec Dieu. Pour les autres, à quoi sert le concept même de péché? À rien. Donc c'est bien ceux qui cherchent Dieu qui vont faire l'expérience du péché comme un obstacle à leur quête de Dieu. Et les péchés ne sont pas tous égaux entre eux. L'Église distingue le péché véniel, le péché grave. Le péché véniel, c'est celui qui nous freine, mais sans nous arrêter. Le péché grave, c'est celui qui nous arrête, qui nous bloque dans notre marche vers Dieu, voire qui nous détourne de Dieu ou nous coupe de Dieu. Alors la gourmandise, est-elle un péché? Si oui, en quoi est-elle un péché? Et là, il faut faire un petit peu d'histoire. Au IVe siècle, jusqu'au IVe siècle, la vie de l'Église et des premiers chrétiens a été marquée et accaparée par les persécutions. L'Église était persécutée et les chrétiens mouraient martyrs. L'Église était là d'abord et surtout pour aider les chrétiens à vivre cette épreuve de la persécution dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Je dirais, pendant les quatre premiers siècles de l'histoire de l'Église, on s'est surtout occupé des vertus théologales, la foi suffisante, l'espérance et l'amour. Mais à partir de la fin des persécutions, IVe siècle, la question s'est posée de savoir comment faire pour devenir un saint. Et nombreux sont les chrétiens qui sont partis au désert pour y vivre une vie de solitude, ou parfois une vie communautaire, mais une vie forte de prière, d'ascèse, une nouvelle manière de donner leur vie au Christ, alors qu'il n'était plus possible de la donner dans le sang du martyr. Et à partir de ce moment-là, l'Église a beaucoup réfléchi à la vie avec Dieu, à la sainteté de l'âme, à la recherche de la vie éternelle, et aussi donc à tout ce qui pouvait y faire obstacle. Et c'est un moine, Évagre le Pontique, au IVe siècle, qui a souligné la gravité de la gourmandise comme péché. Il présente la gourmandise comme la première pensée qui détourne l'homme de Dieu et le recentre sur lui-même par la recherche du plaisir que procure le fait de manger. La gourmandise est la première pensée qui détourne l'homme de Dieu, qui le recentre sur lui-même par la recherche du plaisir que procure le fait de manger. Et cette première pensée, elle peut être très récurrente dans une journée. Elle peut même être accaparante. D'où la préconisation du jeûne pour lutter contre ce mauvais désir. Et au fur et à mesure du temps qui passe, l'Église constate que le rapport des chrétiens à la nourriture est souvent désordonné. Elle en perçoit les conséquences négatives sur la vie physique, en particulier sur la santé des personnes, et sur le partage avec les plus pauvres. Il y en avait qui avaient à manger, trop à manger, il y en avait qui n'avaient pas à manger, ou pas assez à manger. Mais l'Église voyait aussi combien ça avait un impact sur la vie spirituelle, à travers une forme de médiocrité spirituelle, un manque de zèle dans la recherche de Dieu. Constatant tout cela, l'Église, pour le bien des fidèles, va fixer des règles, justement pour réguler le rapport à la nourriture. Et il y a donc des périodes où l'on fait gras, le mardi gras, les dimanches, les fêtes et les solennités. Il y a des périodes où l'on fait maigre, l'Avent, le carême, les vigiles des fêtes et des solennités. En fait, il s'agit de trouver un équilibre grâce à ces règles. La nourriture est donnée pour fortifier le corps et donner à l'homme les forces nécessaires pour vivre et pour aller vers Dieu. En cela, la nourriture est nécessaire et manger est un acte bon. Par contre, la nourriture, dès qu'elle détourne l'homme de Dieu, en le repliant sur lui-même, et en le faisant se concentrer sur son propre plaisir, alors elle devient un péché, celui de la gourmandise. Manger est alors un acte mauvais. Et la doctrine morale de l'Église au sujet de la gourmandise comme péché se construit donc au fur et à mesure des siècles avec des règles qui vont évoluer en fonction des époques et des besoins. Mais l'Église tient une ligne de crête sur cette question de la gourmandise. Pour l'Église, il s'agit surtout d'éviter plusieurs comportements disproportionnés. Le premier, c'est de manger trop tôt, c'est-à-dire c'est une disproportion dans la fréquence. Manger alors qu'il n'est pas l'heure de manger, alors qu'on a déjà mangé il y a peu de temps. L'heure est trop rapprochée par rapport à l'heure du précédent repas. Manger trop tôt. Premier comportement disproportionné. Deuxième, manger trop coûteux. Une disproportion, cette fois, dans le coût de la nourriture. disproportion par rapport à ses propres moyens financiers, disproportion par rapport aux moyens des autres, de ceux qui nous entourent en particulier, disproportion aussi par rapport aux pauvres. Donc, manger trop coûteux. Troisième comportement disproportionné, manger trop. C'est-à-dire, là, on est dans la disproportion, dans la quantité. Et ça, ça se rapproche de la gloutonnerie. Donc, il faut garder le ratio quantité, besoin physiologique. En sachant qu'évidemment, donc, un enfant ne mange pas nécessairement autant qu'un adulte, un vieillard n'a pas nécessairement besoin de manger autant qu'un jeune homme en pleine force de l'âge, mais il n'en reste pas moins que le besoin physiologique s'éduque, pour une part. Parce que plus on mange, plus on a faim. Si on n'éduque pas son rapport à la nourriture. Manger trop, ça c'est le troisième comportement disproportionné, disproportion dans la quantité. Il y a ensuite, quatrième comportement disproportionné, manger trop vite, avec trop d'impatience. Et là, ça se rapproche de la goinfrerie. Donc c'est une disproportion dans le rapport au temps. En fait, là, on ne mange pas, on engloutit. Donc c'est sans respecter l'acte même de manger qui implique de prendre un temps ajusté. Manger trop vite. Et enfin, dernier comportement disproportionné, manger avec trop de goût. C'est-à-dire une disproportion dans le rapport au plaisir de la nourriture. C'est-à-dire savourer de manière excessive, de manière jouissive. Prendre un temps très long pour manger, afin de faire durer excessivement le plaisir. Voilà, ça c'est le cinquième comportement disproportionné, manger avec trop de goût. Donc manger trop tôt, manger trop coûteux, manger trop vite, manger avec trop de goût. Vous voyez, et par rapport à ces comportements disproportionnés, eh bien, l'Église va prendre des règles, va édicter des règles pour éviter justement ces écueils et faire en sorte que l'acte de manger reste à sa place et à sa mesure, sans trop ni trop peu. Tout cela signifie-t-il que l'Église ne voit pas positivement le plaisir dans l'acte de manger ? Autrement dit, cela signifie-t-il que nous n'avons pas le droit d'aimer ce qui est bon ? Bien sûr que non. Le plaisir a été voulu et créé par Dieu. Le plaisir est bon. Le saint curé d'Ars, qui était un ascète et qui se nourrissait de très peu de choses, en particulier de pommes de terre souvent pourries, répondait à quelqu'un qui l'interrogeait sur la gourmandise. On lui demandait, est-ce que quand nous aimons ce qui est bon, nous péchons par gourmandise ? Et le curé d'Ars de répondre, non, nous sommes gourmands lorsque nous prenons de la nourriture avec excès, plus qu'il n'en faut pour soutenir notre corps. C'est rassurant de l'entendre du curé d'Ars. Le dictionnaire de théologie catholique confirme cela en écrivant « Jouir d'un certain plaisir lorsque l'on mange à sa faim et boit à sa soif n'est pas interdit. Mais la recherche pour lui-même du plaisir, voilà ce qui est considéré comme une faute. » Comment l'Église passe-t-elle d'un péché de gourmandise qui consiste simplement dans une consommation excessive de nourriture, à la qualification de la gourmandise comme d'un péché capital. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin a intégré la gourmandise dans la liste des péchés capitaux. Alors, il y avait déjà des listes qui existaient depuis longtemps, depuis Évagre le Pontique d'ailleurs, hein, mais saint Thomas a vraiment finalisé cette liste des péchés capitaux et il a mis la gourmandise à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que saint Thomas voit la gourmandise comme un péché particulièrement grave. Et c'est là que nous passons à notre troisième question. Pourquoi la gourmandise est-elle un péché capital? En fait, ce n'est pas la gravité du péché qui est en cause, mais le fait qu'il entraîne d'autres péchés. Capital, péché capital, capital, vient du latin caput, qui veut dire la tête, l'origine, le point de départ. La gourmandise est un péché capital dans le sens où il est un péché tête, un péché source, un péché matrice, bref, un péché qui va en entraîner d'autres. Le péché capital est un péché cause d'autres péchés. Alors quels sont, il faut regarder, quels sont les péchés qui sont des conséquences très directes et immédiates du péché de gourmandise? Et nous pouvons en citer plusieurs, ce n'est pas exhaustif. Le premier, c'est la gloutonnerie, justement. Qu'est-ce que c'est que la gloutonnerie? Le glouton, c'est celui qui mange trop par rapport à ses besoins physiologiques. Il y a la goinfrerie. Le goinfre, c'est celui qui mange sans élégance et sans respect des autres convives. Mais vous avez d'autres péchés qui viennent à cause de la gourmandise, en particulier à table. On va appeler ça la loquacité excessive. La loquacité excessive. C'est-à-dire la langue qui se délie, la parole qui est plus fluide, désinhibée, surtout si on y ajoute un peu d'alcool, avec le risque de parler trop, de parler à tort et à travers, de dire des bêtises, d'être indiscret, de dire ce qui n'a pas à être dit, d'être trop curieux, d'avoir une parole maladroite, d'avoir une parole blessante, la loquacité excessive. Autre péché et conséquence de la gourmandise, le manque de maîtrise de soi. Avec la gourmandise, un laisser-aller peut s'en suivre. La gourmandise pousse facilement à la paresse. Autant la nourriture, elle est faite pour rendre le corps fort, mais autant la gourmandise et l'excès de nourriture, au lieu de rendre le corps fort, le rend mou et pousse donc à la paresse. La gourmandise pousse à la paresse, elle peut pousser aussi à la luxure, c'est-à-dire que le plaisir lié à la gourmandise peut se transférer sur les d'autres plaisirs du corps, et en particulier peut exacerber les pulsions de la sexualité. Donc il y a un lien possible entre la gourmandise et la luxure. Ça peut aussi pousser à l'envie, finalement à désirer ce qui est à autrui. Pourquoi? Parce que le plaisir, dans la gourmandise, il est sans cesse exacerbé, il peut même devenir un peu tout-puissant. C'est lui qui dirige, qui commande, qui édicte. Il est, à force, ce plaisir d'être nourri, il devient insatiable. Il n'a plus de limites. Et donc, il peut pousser à envier ce qui n'est pas à soi. Il peut aussi pousser à la colère, c'est-à-dire à perdre son calme face à une résistance ou à une contrariété, parce que le plaisir fait son chemin tout seul, il avance et il se fortifie au fur et à mesure qu'il avance, et quand il a une contrariété qui lui demanderait finalement de faire un sacrifice, de renoncer à quelque chose, eh bien ce renoncement n'est pas possible. Le plaisir fait se rebeller et donc on entre dans la colère. Donc on voit bien que la gourmandise peut avoir de nombreuses conséquences et en particulier entraîner d'autres péchés d'ailleurs et des péchés aussi capitaux qui eux-mêmes, comme tous les péchés capitaux, vont en entraîner d'autres. Alors ça demande une réflexion parce que La gourmandise est liée à la nourriture, et comme on l'a dit tout à l'heure, la nourriture, c'est tous les jours. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc la question se pose de cette gourmandise comme péché capital. Alors je pense qu'on comprend mieux pourquoi l'Église reconnaît ce péché comme un péché capital. Alors comment éviter maintenant la gourmandise? Comment éviter ce péché de gourmandise? C'est notre quatrième question. La vertu que nous sommes invités à cultiver et à faire grandir en nous pour éviter le péché de gourmandise, c'est la vertu de sobriété. La sobriété. C'est elle qui règle notre relation à la nourriture, qui nous permet de rester dans un juste milieu, ni trop, ni trop peu. Cette sobriété ne vient pas toute seule, elle se travaille en nous, elle a besoin d'exercice pour se fortifier. Et nous pouvons retenir quelques points d'attention et d'effort aussi, qui vont favoriser la sobriété en nous, qui peuvent aussi éclairer notre carême. Le premier point, c'est de remettre la nourriture dans sa juste perspective. Prendre conscience que la nourriture est un don de Dieu pour donner à mon corps les forces dont il a besoin pour vivre et pour porter mon âme vers Dieu. La nourriture doit donc donner à mon corps ce qu'il lui faut et me rapprocher de Dieu en vivant surtout de sa parole, la parole de Dieu, de son corps et de son sang. Ça passe peut-être concrètement par le fait d'habiter d'une manière nouvelle ou simplement de mettre en place le bénédicité et les grâces, les bénédicités au début du repas et les grâces à la fin du repas. Peut-être ne nous le faisons pas encore, et ça vaudrait la peine d'y réfléchir pendant ce carême et de mettre ça en place pour remettre la nourriture dans sa juste place, pour prendre conscience du rôle de la nourriture dans notre vie, sous le regard de Dieu. Et puis, pour ceux qui prient déjà la bénédicité et qui prient les grâces, eh bien peut-être d'être plus attentif à ce que nous y faisons lorsque nous prions ces prières-là. Je pense que bien souvent, la nourriture est devenue trop banale dans notre vie. On est tellement habitué à l'avoir tout le temps sur notre table, sans peu d'effort. Pensons simplement en ce moment à tous ces réfugiés qui partent d'Ukraine, qui n'ont certainement pas grand-chose, ou ceux qui sont sous des décombres et qui se posent la question de savoir comment ils vont manger, comment ils vont trouver à manger. Donc ça, c'est la première chose, remettre la nourriture dans sa juste perspective dans notre vie. Deuxième point, se mettre vraiment à l'écoute de notre corps, qui sait nous dire quand nous avons suffisamment mangé. La gourmandise nous fait outrepasser les besoins de notre corps et en fait lui fait manquer d'un certain respect. En le contraignant à manger, la gourmandise contraint le corps à manger plus que son besoin. Donc se mettre à l'écoute de notre corps, c'est d'accepter de mettre des limites dans notre rapport à la nourriture, dans notre consommation de la nourriture, mettre des limites. Des limites que si nous écoutons notre corps, le corps sait nous montrer. Quand on a trop mangé, on le sent très bien. Notre corps nous le dit clairement. Troisième point, éduquer le désir du plaisir qui est en nous. Il y a un désir du plaisir. Mais il faut l'éduquer. Et ce désir porte en lui-même une tendance tyrannique. Il veut s'imposer. Le plaisir veut s'imposer. Le désir du plaisir veut s'imposer. Il veut obtenir ce qu'il attend. Et il veut toujours plus. Le plaisir en lui-même est insatiable. En lui-même, il est insatiable, si on ne lui met pas de limite. L'abbé Jean-François Guérin, le fondateur de la communauté Saint-Martin, disait régulièrement, surtout au début du carême et tout au long du carême, qu'il s'agit de freiner nos préférences, et flatter nos répugnances. Freiner nos préférences et flatter nos répugnances, c'est-à-dire de savoir dire non à ce que nous préférons, à ce qui nous attire, à ce qui va nous faire plaisir, ce dont on est sûr que ça va nous faire plaisir, et de savoir consentir à ce qui nous répugne, à ce qui ne nous attire pas du tout. Bref, c'est dire oui au céleri et non aux frites. Freiner nos préférences, flatter nos répugnances. Éduquer le désir du plaisir qui est en nous. Parce qu'autrement, il est insatiable. Insatiable. Et c'est aussi comme ça qu'il pousse à d'autres péchés. Quatrième point d'attention, il faut se tenir à quelques règles élémentaires. Régularité dans les repas, pas de grignotage entre les repas, prendre vraiment le temps de manger, avec un équilibre alimentaire, modération dans la manière de se servir, s'interroger avant de se resservir pour savoir si notre corps en a vraiment besoin. Il y a un petit instant de liberté là, vous savez, quand on a la cuillère dans la main et oui, non, cet instant de liberté. Avant de se resservir. Savoir se priver de temps en temps d'un plat, et même jeûner, pour revenir à un meilleur équilibre dans notre rapport à la nourriture. Donc, remettre la nourriture dans sa juste perspective, se mettre à l'écoute de notre corps, éduquer le désir du plaisir qui est en nous, et se tenir à quelques règles élémentaires. Voilà quelques points d'attention qui peuvent nous aider pour avancer dans ce carême. Parce que, et je vais terminer par là, il me semble important de repenser à frais nouveaux notre rapport à la nourriture en général, surtout quand on comprend bien combien ce péché de gourmandise est un vrai péché capital qui en entraîne beaucoup d'autres. Éduquer, repenser notre rapport à la nourriture en général et plus immédiatement en lien avec notre carême. Est-ce que nous allons nous contenter de faire deux ou trois petits efforts sur la nourriture durant ce carême pour avoir juste une bonne conscience? Ou est-ce que nous allons en profiter pour nous interroger plus en profondeur sur ce qui est en jeu dans notre rapport à la nourriture? Parce qu'il en va ultimement de notre rapport à Dieu, qui est bien souvent abîmé par le péché de gourmandise, comme nous l'avons mieux compris, j'espère. Alors puissions-nous demander au Seigneur la grâce de la lucidité et du courage pour tirer de cette réflexion sur le péché de gourmandise quelques résolutions de fond, d'aller plus à la racine du péché de gourmandise dans notre vie. Puissions-nous demander au Seigneur la grâce de la sobriété qui, sans diminuer le plaisir et la convivialité d'un repas partagé, peut au contraire en augmenter la profondeur des échanges interpersonnels en restant sans cesse sous le regard de Dieu. La sobriété nous aidera à nous décentrer de nous-mêmes et à nous ouvrir plus à Dieu et aux autres, en particulier aux plus pauvres et à ceux qui ont besoin de notre amour et de notre aide. La sobriété creuse un espace en nous où l'amour a plus de place pour s'enraciner et se déployer. Voilà, je vous souhaite à tous un très saint carême dans une plus grande sobriété et une sobriété heureuse. Voilà, merci de votre attention. Sans transition, je crois que nous pouvons profiter de quelques minutes, pas beaucoup je crois, de quelques minutes pour répondre à quelques questions. Alors, comment comprendre la culture des bons produits, le savoir-faire des grands chefs? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre la gourmandise, être gourmand, être gourmet. Gourmet, c'est plutôt réservé à quelqu'un qui a des connaissances, qui connaît le monde de la nourriture, qui connaît comment cuisiner la nourriture, comme je dirais, quelqu'un qui est un œnologue et qui connaît un bon vin, qui sait reconnaître les vins, qui est connaisseur, il n'est pas nécessairement gourmand. Hein. D'ailleurs, on voit particulièrement pour, dans ce domaine-là, des connaisseurs, des gourmets, on parle souvent de dégustation, on ne parle pas de goinfrerie ni de gloutonnerie, hein. On est plutôt dans la dégustation. Et c'est un monde plus de connaisseurs. Donc à nous aussi d'éduquer dans notre rapport à la nourriture cette dimension-là, de mieux connaître la nourriture, hein, de ses propriétés. Je pense qu'on est en fait très ignorant sur ce qu'est vraiment la nourriture, qu'est-ce que sont les bons produits, quel est l'effet des produits sur notre santé, sur notre corps, sur notre vitalité. Enfin, je pense qu'on a plein de choses à découvrir. Je ne parle pas nécessairement d'un aspect purement diététique, mais d'une manière de connaître plus globalement le rôle de la nourriture dans notre vie. Donc voilà, un grand chef étoilé n'est pas nécessairement quelqu'un de gourmand. Il peut l'être, hein, mais il n'est pas nécessairement quelqu'un de gourmand. Comment sait-on si on est gourmand par rapport à nos besoins? Eh bien, je pense que c'est d'abord d'évaluer quels sont nos besoins, en sachant que... Vraiment, réellement, plus on mange, plus on a faim, c'est-à-dire plus l'estomac s'élargit et donc il a besoin d'être plus rempli, hein, donc c'est un peu sans faim. Hein, et donc il faut savoir mettre la mesure à nos besoins. Je disais tout à l'heure que le besoin physiologique de nourriture est un besoin qui s'éduque, hein, voilà, qui n'est pas quelque chose que nous laissons aller comme ça dans notre vie, donc on doit l'éduquer. Hein, et donc après, est-ce que je suis gourmand? Quand j'ai ajusté mon rapport à la nourriture, c'est la question du plaisir, hein, et de la jouissance de ce plaisir de la nourriture et qui va me faire manger sans avoir besoin de manger, mais juste pour rechercher le plaisir de la nourriture. Je pense que le critère de discernement, c'est là qu'il se situe. Je n'ai pas besoin de répéter toute manière, il est l'heure, je pense. On peut continuer. Le dimanche, nous aimons acheter un petit gâteau à la boulangerie, est-ce un péché? Oh ben non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Justement parce qu'il y a cette dimension du repas festif, du repas où il y a un vrai partage. Et d'ailleurs, le gâteau est très symbolique de la notion de partage, parce que le gâteau, il est fait de toute manière pour être partagé. On ne va pas manger tout le gâteau tout seul, donc on va faire des parts. Donc c'est vraiment très symbolique, hein, de ce rôle de la nourriture qui est faite pour être partagée. D'ailleurs, c'est toujours plus sympathique de servir dans des plats que de servir à l'assiette. Parce qu'à l'assiette, justement, on n'a pas l'impression qu'on partage. Alors que quand on reçoit un plat, eh bien, on se dit en prenant, tiens, on va être... Hein, et au séminaire en particulier, on sait combien on est par plat, bah, il ne faut pas prendre, il faut laisser un peu pour les autres. Hein, il faut laisser autant le plus pour les autres. Hein, et donc la question du plat oblige au partage. Le service à l'assiette, bah, on prend ce qu'on nous donne. Il n'y a pas la notion du partage, on perd la notion du partage. Donc c'est aussi, derrière tout ça, il y a toute une culture de la table et de ce pourquoi nous sommes autour d'une table, pas seulement pour manger et refaire les forces de notre corps, mais aussi pour partager quelque chose à travers la nourriture, partager quelque chose de plus profond. Mais c'est exactement le sens même de ce que Dieu a voulu. Il nous fait, à travers le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang, il nous fait partager sa vie. Il nous fait partager sa vie. À travers la nourriture, nous partageons quelque chose qui est plus que ce qui vient simplement nourrir notre corps. Donc il y a un vrai enjeu sur le fait de bien comprendre ce qu'est la nourriture dans notre vie. Du plus basique, qui est de répondre à nos besoins physiques, jusqu'au plus spirituel, voire même au plus mystique, le festin des noces de l'agneau, le plus mystique de cette communion dans la vie éternelle, ça va jusque-là en fait, de la nourriture qui sort de la terre et qui participe à nous faire découvrir quelque chose dans le ciel. Voilà, je pense que nous allons arrêter sur la gourmandise. Et puis, nous pouvons confier tout cela, pour terminer, au Seigneur, en lui demandant cette grâce de mieux comprendre cette question de la gourmandise et de demander cette grâce particulière de la sobriété. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci.